l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le comité pour la mémoire du camarade Kim Il-sung est constitué à Londres, Grande-Bretagne, le comité de souvenirs du président Kim Il-sung à Copenhague, Danemark, le comité slovène pour la mémoire du président Kim Il-sung à Maribor et le comité national nigérian de souvenirs du président Kim Il-sung à Abuja. Ils organiseront diverses cérémonies politico-culturelles en l'honneur de la vie révolutionnaire et des exploits du grand homme coréen.